j'arrive pas à y croire, ça y est. Là-bas ça enregistre, ici ça enregistre. Ici ça enregistre, j'espère. C'est incroyable. Est-ce qu'on est parti là ? On serait parti pour faire un podcast. Il semblerait. Yes. Ça fait si longtemps. Tu sais quoi, j'ai même plus envie. Viens, on remballe tout. Alors, déjà bonjour. Bonjour ça à tous. Ça fait très longtemps. Ouais. Est-ce qu'on va parler du fait qu'on n'a pas fait d'épisode pendant plusieurs mois ? Non. Non. Par contre, on va parler du fait qu'on a essayé d'en faire un hier soir. Impossible, pendant 1h30, rien ne marchait. Rien ne fonctionnait. Et ce soir, le temps de tout mettre en place, d'essayer de brancher deux micros USB sur le même truc avec différents drivers, impossible. Impossible. On a mis au moins deux bonnes heures. C'est vrai. Enfin, tu as mis au moins deux bonnes heures. Moi, je jouais à Zelda, donc c'était pas un si mauvais moment pour moi, mais... Ouais. Bon, au final, on y est arrivé, hein. C'est une solution un peu archaïque. Attends, parce que là, ça fait que 55 secondes. Ouais. Rien n'est joué encore. Rien n'est joué, parce que là, on l'a déjà recommencé. Ouais, avant, on était parti et son micro a bugué, donc on a arrêté, en fait. Ouais. Bref, du coup, bienvenue, bonjour dans la bonne franquette, l'épisode 7. C'est le 7, c'est le 007 même. C'est le 007. Du coup, un épisode spécial James Bond, c'est faux. On va parler du Japon, parce qu'on a eu la chance, enfin, on a travaillé pour aussi. Ouais. Mais on est parti au Japon deux semaines, il y a un mois maintenant. Il y a un mois aujourd'hui, déjà, ça fait pile ça fait un mois. Ouais. Yes, j'ai envie de me pendre, ma dépression. Mais attends, mais on a oublié le running gag de l'émission qui est de se présenter. Ouais, mais si t'expliques un running gag, en fait, ça n'a plus de sens. Non, mais en fait, le truc, c'est qu'on ne peut pas faire ça hors micro. Parce que, en fait, on enregistre. Donc, bien, il fallait que je te le dise, en fait. Je t'écoute. Alors, qu'est-ce qu'on fait alors, qui on est? Qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Alors, bon. Ah bah, allez, je te laisse te présenter. Bonjour. Pour l'instant, c'est pas ouf, hein, mais... Ah, il faut dire plus que ça? Ah, bah oui, en fait. Le... Ouais, c'est... C'est bienvenue. C'est plus que ça. Tu peux développer ce que tu fais dans la vie, en fait. Parce que, bah, actuellement, je bois de l'eau qui est, franchement, qui était glacée il y a encore quelques secondes, mais là, c'est assez ambiant, finalement. Mais c'est ça, ton métier, ça? Boire de l'eau? Ah, faut que je dise mon métier? Ouais. Je fais rien de spécial dans la vie. Non, plus sérieusement. Je suis, comme tu peux le voir, statue. Ouais. Vivante. Une statue vivante. Et mort-vivante. Mmh. C'est-à-dire qu'en fonction de la pleine lune, ouais, je bouge plus ou moins. Là, à l'heure actuelle, je vois pas, mais je sais au nez. Oui, que. Et à l'oreille interne. Oui. Que là on est sur un croissant de lune là. Là on est sur un croissant de lune. Attends, on peut vérifier. Attends, je crois, là t'es en train de vérifier sur ton appareil électronique là. Ouais. Pour l'instant, vas-y, meuble, c'est très meuble, long. Meuble, faut que je meuble. Meuble. Ouais, mais tu fais ça tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je sais même pas où on. Je crois qu'on peut checker ça, mais bah, bref. Je fais ça. Ça c'est ma vie en fait. Je suis né pour ça, je vis pour ça, je respire pour ça. Donc oui, être une statue pour moi c'est pas un métier, c'est une vocation, et même plus que ça. C'est une passion. C'est une question de vie ou de mort. C'est beau. Si c'était pas des conneries, j'y croirais presque. Quoi. Alors, déjà, je te prierai d'avoir un peu de respect pour mon métier, s'il te plaît. Hein. Quoi, qu'est-ce que t'es, toi? Vas-y, qu'est-ce que t'es, toi? T'es quoi? Bah, écoute, t'es qui, toi-même, en fait? Moi, je fais le plus PTDR, beau. PTDR, t'es qui? Je fais le plus beau métier du monde. Ouais, ça y est, j'ai envie de vomir, ça y est. J'étudie le soleil. Ah, donc mon ennemi en plus. Ouais, super. J'étudie le soleil et bah, du coup, je suis ton némésis par définition finalement. Par contre, n'utilise pas des mots que tu ne comprends pas. Ah, c'était Rotin, m'avait manqué. C'est faux, je te déteste. Mais ouais, j'étudie le soleil dans toute sa splendeur, quelle taille il fait, et c'est tout en fait. Je dois juste savoir quelle taille il fait. C'est et nul. J'ai juste à aller sur Google, à nul. Taper nul. Quelle taille nul. Fait le soleil. C'est nul. J'ai la réponse. C'est vraiment nul. Et non, c'est je nul. Le dis à mon boss. Je crois et on a jamais vu un truc content. Aussi il nul. Il me paye que cher. Ça. Hein. Il me paye c'est cher. Vraiment ultra nul. Hein. Il me paye cher de ouf. Ouais, c'est mec, ça a l'air dingue en plus c'est que tu bien, dis. Hein. C'est stylé. Alors, donc, genre trieur de bouteilles, c'est vraiment un métier. Genre, c'est fou, pas. Quoi, c'est... Franchement, c'est pas du incroyable, tout. Incroyable. Vraiment. Victor. Non, Benjamin. Non, c'est pas ça. Benjamin, c'est un ami à nous, mais c'est pas moi. C'est... Ouais. Alex... Non, c'est pas non, Alex. Olive... Non, non, non. Non. Joachim. Vincent. Ah, presque. Presque. Du coup, le Japon, incroyable. Voilà, moi, j'ai qu'une chose à dire, c'est j'ai envie de repartir immédiatement, en fait. D'ailleurs, est-ce qu'on peut couper cette merde là, toute cette lumière bleue, cette mise en scène, toi d'ailleurs, est-ce qu'on peut te couper en deux tout court et que je puisse repartir le plus vite possible. Non, c'est vrai. Il a raison. Pour résumer, je pense qu'en un mot, c'était incroyable. Et je propose que pour raconter ce voyage, on le fasse par le tout commencement. De suite. Extrait. Non, c'est un podcast, on coupe pas en fait. C'est en continu. Ah. Là, on filme et il y a aucune coupure. Ok, bah non, mais ok. Fair enough. Hein. Pas de... Vas-y, bah fais. Non, mais fais ton truc, vas-y, y a pas de. Oui, non, mais c'est bon. Non, t'as l'air un peu vexé. Je suis pas fâché, d'accord. Franchement, t'as l'air un Je peu suis fâché. Pas énervé. Peut-être un tout petit peu, peut-être dans le ton, dans le grain de la voix, on dirait. Pardon. Excellent. Le Japon. Le Japon. Alors, le Japon, bah, pour commencer, le voyage en lui-même. Est-ce qu'on fait tout ça par ordre chronologique? Non, mais j'ai vraiment envie de parler de ce voyage qui était quand même horrible. Est-ce que tu veux parler de Air China? Ta-na-na-na. Oh, oui, je pense qu'on va en parler. Parlons de Air China. Non, franchement, après avoir fait de bons 2 heures de train pour aller à Paris, voilà, ça c'était plutôt sympa. Ça se fait vite. On arrive au Roissy Charles de Gaulle. Ça fait plaisir. Sans, bel aéroport. Oui, ça fait plaisir de se prendre une amende de 157 euros, peut-être. Bon, après, on n'a pas passé le même voyage. Il y en a qui resquillent, il y en a d'autres qui sont dans la légalité. Après, bon. Ouais, bon, on fait ce qu'on peut, quoi. Non, j'étais persuadé d'avoir cette foutue carte jaune. Or, elle n'était plus valable. Pas de une semaine, pas de un an, mais de plus d'un an, presque deux d'ailleurs. Donc, forcément, devant un contrôleur, ça passe moyennement. Et ce que je peux comprendre, il m'a foutu 157 euros d'amende. Donc, bon, ça fait du budget en moins quand même pour des vacances. C'est vrai, ça réduit un peu, effectivement. Mais bon, c'est la vie, il y a des règles. Mais bon, c'est bien, tu pars au Japon avec un dégoût de la France. Ouais. Donc, clairement. Ouais. Non, mais voilà, on arrive au Roissy Charles de Gaulle, très bien et tout. Et là, c'est le drame, on entre dans l'avion. Et on se rend compte qu'on va passer 13 heures de vol. Ouais, non, non, ce qu'il faut dire, c'est que... Bon, déjà, c'est long, passer tous les portiques de sécurité, les tests, les trucs, c'est... Ouais, c'est sortir ses affaires de son sac 12 fois, les remettre... Surtout quand t'as beaucoup de bagages avec plein de merde électronique, là, hein. Comment ouais. On appelle ça, déjà les ordinateurs. Oui, les babioles, là. Les, bah... Ouais, non, mais... Ouais, bon, bref, allez, bon, c'est un truc que je comprends pas, là. Et franchement... C'est si long de devoir sortir le PC portable, mettre ses trucs dans un bac, les trucs dans l'autre. Est-ce que tu peux arrêter de te plaindre, s'il te plaît? Mec, j'ai l'impression que tu fais ça depuis le début. Tu es là, tu parles du les micros. Les micros, tu dis les micros, c'est de la merde. Là, j'ai arrêté tout est de la merde et maintenant. C'est bon, j'ai arrêté de me plaindre en fait. T'as arrêté ta plainte là? Dis un truc positif pour voir. J'adore la vie. Bah voilà. C'est faux, mais ça... voilà, c'est pour te faire plaisir. Là, t'as dit c'est faux, tu t'es. Alors, du coup, on rentre dans l'avion et il y a vraiment toute une vision d'horreur qui se met en place. Au début, on se dit gros avion, des petits trucs, le personnel a l'air sympa. Et plus on avance, plus on sent. Plus l'illusion tombe en poussière. Tout s'évapore, tu te dis aïe, on va passer 12 heures là-dedans. Ça va pas être 12 heures de plaisir. Je pense notamment déjà quand on voit que... Bon alors, on pensait qu'il n'y avait pas de prise. Et donc on s'est dit, oh non, on va devoir faire 13 heures avec... Il y avait pas de prise. Jusqu'à ce qu'on en trouve une, 10 heures après en fait. Donc il y en avait une sous le siège. Une prise japonaise. Que rien n'indique. Et du coup, ouais, on a... Ah non, on l'avait vu. Mais on pensait que on l'a vu très tard et ensuite j'ai essayé avec le PC le chargeur du PC de me brancher dessus. Ça ne passait pas parce que les PC ils ont une sorte de troisième trou là sur les quoi, pourquoi ça te fait rire quoi, non rien quoi. Rien un esprit tordu ouais. Mais moi je pense à rien, je pense au golf quand tu disais des trucs comme troisième ça troisième trou bien oui. Sûr tu as un trou en un bang à la serveur. All in one. Hein? Non, rien. Non, du coup, bref. C'était long. En plus, on était là à essayer d'économiser. On faisait des stratégies pour économiser les batteries sur le portable, sur la Switch, sur le PC. On faisait des tournes. Des tournantes. Non, pas des tournantes. Oula. On va pas passer le même vol, là, clairement. Mais non, ce qui était dingue aussi, c'était qu'on avait une tablette en face de nous pour regarder des films, écouter de la musique, etc. Sauf que, alors, bah, c'était les pires tablettes du monde. Une tablette ou de la merde? De la merde. Non, franchement, no offense Air China, mais qu'est-ce que vous faites en fait? C'est quoi, 2019, On est en 2019, La qualité était horrible. quand on appuyait sur un truc, ça mettait... Deux fois sur trois, ça ne marche pas. Quand ça marche... Ça met 10 secondes. Ça met 10... C'est si long. Et alors, comble... Tout n'est pas ultra bien traduit, en plus. Ouais. Mais en plus, surtout... Ça peut se comprendre. Quand ça, on commence à regarder un film, toutes les 5-10 minutes, il y a une annonce qui est faite dans le vol. De l'équipage. Et ça coupe tout, en fait. Tout en chinois, évidemment. Ça censure ce que tu regardes et tu ne peux rien faire. C'est et attends, horrible. Autre chose avec les films ou la musique, parce qu'ils ont un répertoire de musique d'ailleurs qui se constitue uniquement de musique chinoise. J'ai rien contre ça, mais quand tu ne comprends rien à cette langue, à cette culture et même aux sonorités, parce que c'est quand même bon voilà, c'est très limité, on va dire, niveau playlist. Ouais, ouais, ouais. Mais le son, alors ça c'est une autre affaire parce que t'es obligé d'avoir un... C'est quoi? C'est un coupleur? Non, c'est juste que... C'est juste qu'en fait, il y avait deux prises jack par siège. Une stéréo, une gauche, à gauche et une et droite, à droite, en fait. Sauf que nous, en France, on n'a pas ça. On n'a qu'un jack qui fait les deux en stéréo. Ouais, du coup, on était obligé d'avoir un... Je crois qu'on appelle ça un décupleur ou un coupleur de... qui transforme en fait un signal... Jack en une d'une prise d'une fiche à deux fiches en fait. Ouais. Et ça on était au courant bien sûr. Ouais, évidemment. Du coup on avait que les casques fournis par Air China qui étaient. Alors ces casques. Bon, est-ce qu'on en parle? Est-ce non. Qu'on peut... Non on n'en parle pas. Non, on n'en parle pas parler, parce que vraiment pas... c'est. Il veut plus que je me plaigne. Eh ben j'arrête tout de suite. Ouais, parce que, ouais, c'est de la merde d'accord. Non c'est vraiment non. Spécial. Non mais en vrai merci d'accord, Air China. Ils sont portés par tout le monde ces masques. Ils les remettent dans les plastiques mais ils sont portés par tout le monde. C'est sûr. J'ai peur de ça. C'est sûr, ça fait. Mais après, bénéfice au du prix doute, où ils doivent les acheter, je pense que ça va. Ouais, parce que c'est. Vous voyez les Beats by Dr. Dre, les Bose 35 White. C'est pas ça du tout en fait. C'est non, l'inverse c'est de l'inverse. Ça en fait. C'est la qualité est. Vous voyez les écouteurs qu'on trouve à 5€ au supermarché. C'est pire. Bah, c'est ça. C'est pire. En pire et en casque. Donc incroyable. Enfin bref, allez, ça c'est vraiment juste histoire de blaguer un petit peu sur, ouais. Sur Air China. Mais, c'est mais vrai en que vrai, c'est... ils nous ont permis de partir non, à, puis voilà. Au Japon. C'est, bon, pas non plus, c'est pas non plus un avion en bois, je veux dire, ça vole. Ouais. On a été très peu dérangés, le personnel plutôt courtois. Très sympa. On a eu des horaires fixes pour manger, on demandait à chaque fois plusieurs, parce qu'il fait chaud dans ces avions. Enfin, surtout à celui du retour, celui d'aller, ça allait, il faisait même plutôt ouais. Frais. Peut-être dû au fait qu'on est. Je sais plus si on est parti. Non, on est parti dans l'après-midi, hein, vers 13h, 14h. Pour l'aller, ouais, mais pour le retour, on est parti de Chine ouais. À 5h du matin, je crois. Enfin, bref, et du coup, ouais, non, franchement, plutôt cool. En vrai, Air China, faut dire que c'est quand même très abordable. Donc, ouais. On peut pas s'attendre non plus à un jet privé, quoi. Oui, clairement. Mais de toute façon, ce qui était important, et ce qui est toujours important, c'est aussi surtout la destination. C'est d'arriver et à bon port. On s'est régalé. Ou à bon aéroport. Parce qu'on est arrivé à Shanghai. L'aéroport attends, de. C'est pas un truc de fou, l'aéroport. Tu vois, c'est un truc de malade. Non, mais attends, il faut que. Il faut en parler. Il faut, non, les ouais. Il faut que. On les fuck. Il faut qu'on les fuck. Il faut qu'on les fuck. Non, mais on est arrivé là-bas et en fait, le personnel ne savait pas du tout. On est déjà, on arrive là-bas à quelle heure? Juste pour remettre les choses dans le contexte. On est arrivé à 5h du matin ou 6h du matin là-bas. 5h du matin. Mais je crois même 4h. Hein. Ouais, peut-être. 4-5h. Dans un aéroport qu'on ne connaît pas. Ouais. Dans un pays qu'on ne connaît pas. Dont on ne comprend ni l'écriture, ni la langue. Rien. Et le personnel parle très peu anglais. Et le personnel, pour couronner le tout, ne sait pas quoi faire. On a tourné une heure et demie ouais. Dans l'aéroport à ne rien faire. On est passé genre 3 ou 4 fois par les mêmes endroits. On nous a demandé de remplir des fiches. Qui n'a servi à rien du tout. Incroyable. Et une fiche ultra longue, ultra détaillée sur nous, sur ce qu'on fait dans la vie, sur ce qu'on aime manger. Qui es-tu, d'où tu viens, ton groupe sanguin, le prénom de ton chien. Il y avait tout. Il y avait tout. Toutes les questions du monde, elles étaient là-dessus. Et au final, on l'a gardé dans la poche tout le long parce qu'ils ne l'ont jamais redemandé. Terrible. Ouais. Et du coup, bon, finalement, voilà, on arrive à monter dans ce foutu avion direction Narita, direction l'aéroport, le premier, je crois, parce qu'il y a Haneda et Narita, parce qu'il n'y a pas d'aéroport à Tokyo, faut s'arrêter à Narita ou à Haneda, et je crois que Narita, dans le classement, c'est le premier, bref. Et du coup, nous, mais en tout cas, c'est le plus loin de Tokyo, j'ai l'impression. Non, si je me en tout cas, il est à l'est, et Haneda, c'est sud-ouest, je crois. Ouais. En tout cas, voilà, on est arrivé à bon port. C'était... En vrai, c'était cool. On trash talk un peu parce que c'est il y a matière à rigoler quand même. Ouais. Voilà. Mais c'était une expérience sympa. Et du coup, on arrive à cet aéroport de Narita et là, on descend et là, c'est incroyable. Je m'en souviens. T'as pas les mots. J'avais pas les mots. Ça m'a rendu accro. Tu te souviens de ce panneau Welcome to Tokyo? Ah ouais, non, welcome to Japan. To Japan, pardon. To Japan. Bah, welcome moi, je m'en to souviens Japan. Pas, apparemment. C'était dingue, incroyable. Et là, tu percutes pas encore. Parce que déjà, t'es dans les choux parce que le voyage, t'as très peu dormi. Et si t'as réussi à dormir, t'as mal dormi. Donc, quand t'arrives, t'es en mode ok, qu'est-ce qui se passe? Suis-je encore vivant? Et là, tu vois des panneaux en japonais. Tu vois des japonais. Tu vois des trucs qui défilent de part et d'autre, des pancartes Welcome to Japan, et ça commence à s'installer dans sa tête. Ça percute. Et tu te dis, je suis au Japon, la putain de sa race. Ah là là, c'était excellent. Incroyable. Pour moi, c'était vraiment un rêve de gosse. Ça fait vraiment littéralement au moins 15 ans que j'en rêve. En plus, ça se voyait, parce que quand on est arrivé, qu'est-ce que t'as fait? T'as dormi tout de suite, directement dans le train. On a pris le train et t'as dormi directement. Vraiment, on passait devant des endroits magnifiques du Japon. À ma défense, j'ai fait deux nuits blanches avant de partir. Et après, il y avait la nuit dans ce foutu avion là, si on peut appeler ça une nuit. Donc j'étais sur le point de mourir en fait. Fallait bien que je me régénère un petit peu. Ouais, et ouais, on a pris le train, on arrive au Airbnb. Tout est. Non, on arrive à la gare Kinshicho là. Enfin, ouais. À la Sky Tree Tower, je crois d'abord. C'est ça, ouais. Puis comme on connaissait rien du tout, on a pris un super long chemin à pied qu'on aurait pu peut-être prendre avec le métro et tout plus rapidement. Mais bon, c'est normal, on connaissait rien quoi. On arrive au Airbnb et là on a un code. C'est une épreuve Koh-Lanta Fort Boyard pour réussir à choper les clés du Airbnb. Oui. Le mec m'avait envoyé un message sur Airbnb, sur l'application. Tout détaillé de ce qu'il fallait faire pour pouvoir entrer dans l'appartement. Genre mission impossible, vraiment. Ouais, y avait vraiment le gars il t'envoie un message avec des codes. Vous allez pouvoir dormir, mais avant il va falloir résoudre une épreuve. Genre vraiment comme ça. C'était vraiment ça. C'était dingue. Et du coup, ouais, on devait. Tu sais, comme dans les coffres-forts comme ça. Ouais, et nous on était là, il y avait un sens horaire, anti-horaire. On était là, mais on veut juste dormir en fait. On était crevés et tout. Bref. Mais qu'est-ce qui t'a choqué quand on est sorti de la gare pour marcher vers le Airbnb? La propreté. La propreté. C'est exactement ce vers quoi je voulais t'amener. C'est, parce que c'est incroyable à quel point... Attends, j'adorerais qu'il y ait un compteur de incroyable dans ce podcast parce qu'il y en aura un compteur milliard. Compteur de incroyable. Attends, mais ça veut dire que je dois tout réécouter? Non, mais je rigole. Mec, ça va être si long. Non, mais je rigole. Ouais, non, on va pas le faire. Mais il pourrait. Peut-être. Incroyable. Le faire. Mais. Non, incroyable. Incroyable. 3, 4. Et. Un autre mot peut-être? Fou. Incroyable. 5. Et non, franchement, c'est dingue. Comme il n'y a aucun détritus. Il n'y a rien, tout on est aurait pu, on aurait pu faire un jeu de. Du premier qui trouve un détritus par franchement, terre. Franchement, vous connaissez ce truc là que font les enfants, genre ils font tomber un bonbon par terre et après ils font genre c'est bon, ça fait pas 3 secondes, je peux le manger. Là, tu peux le laisser 3 jours et tu peux le manger, il sera même meilleur. Il aura pris le goût du Japon. Ah mon gars, il va infuser comme ça là. Oh, c'est un plaisir. En plus, Oh non, il y a... Ça, mec, c'est... J'ai mon cœur qui bat là, je me ressens partir. Ou je fais peut-être une attends, attaque. Attends, tu te sens je fais une attaque, je fais une attaque là. Non, mais ce qui est quand trop... on dit zéro détritus, y compris les mégots. Ouais, et y a ça, rien. C'est fou. Et d'ailleurs, ce qui est trop bien, c'est qu'il n'y a pas de fumeur. Ouais, et s'il y a des fumeurs, ils sont dans des enclos à fumeurs. Genre, vraiment, il y a des... Il y a des bétails de fumeurs. Ils sont tous là. Et on les tond une fois par an parce que les poils, quand même, voilà, mais... Non, mais ouais, effectivement, tout est non-fumeur, en fait. Les endroits interdits, les endroits publics sont interdits tous aux fumeurs. C'est incroyable. Et les gens respectent ça. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment dans des box qu'il y a sur le trottoir, mais déjà, il y en a peu. Donc, les gens, la plupart du temps, fument chez eux ou dans des bars qui sont prévus pour ça. Mais sinon, effectivement, la plupart du temps, on a jamais vu de fumeurs. Et je pense que mes poumons se sont régénérés jusqu'à ce que je foute un pied en France. Et alors là, bam, j'ai chopé 3 cancers, c'est sûr. Non, quoique, je pense, quand on est descendu à l'aéroport de Shanghai, et il était 4h du matin, on fait « Oh, trop mignon, de la brume !» Parce qu'on voyait seulement par le hublot, en fait. Tu descends, et là, il fait chaud, il fait moite, c'est gris, c'est de la pollution. Il y a un épais brouillard de pollution, mais partout autour de toi, c'est incroyable. Ouais, c'est terrible. C'est terrible. Je sais pas le taux de cancer qui peut être lié à la pollution par rapport à ça en Chine, mais il doit être terrible. C'est incroyable. Enfin bref, la qualité de l'air doit être assez spéciale. C'est vrai. Et puis même, les rues sont propres, les gens sont respectueux. Bon, ça, on aura le temps d'y revenir. Ouais. Et puis, il y a de la verdure partout. Ouais, oui. Je parle pas de bonne queue sa mère, mais il y a des arbres partout dans la rue, en fait. Sur les trottoirs. Non, mais même sur les trottoirs. les trottoirs, peut-être. C'est incroyable, 6. 6. Et non, mais du coup, effectivement, il y a vraiment des arbres partout. Et il y a des plantes aussi qui parsèment un petit peu les dalles de béton, comme ça. Mis par les habitants, je crois. Voilà, c'est ça. Il y a certains habitants, même beaucoup d'entre eux, rajoutent des bacs de plantes. Et parfois même, ils vont jusqu'à mettre un écriteau en japonais avec le nom de la plante. Mais incroyable, genre. Ici, on ferait ça en France. Ah ben non, on ne ferait pas, en fait. Ah, wow, c'était... Non, c'est franchement, c'est une autre culture et on a beaucoup à prendre à ce niveau-là, au niveau de la propreté, de l'écologie et tout simplement du respect dont on peut peut-être parler maintenant. Oui. Parlons du respect. Vas-y. Du respect. Parle un peu du respect. Des Japonais. Moi, j'ai tout de suite un exemple qui me vient en tête. C'est quand en France il y a un feu rouge piéton. En général, bon, on est là, on regarde à gauche, à droite, s'il n'y a pas de voiture, on passe. On passe. Et on n'est pas un mauvais piéton pour autant. Un mauvais... En tout cas, on est une mauviette. On est une belle mauviette. Mais on regarde à gauche, à droite, s'il n'y a pas de voiture, on passe au rouge. Voilà, on ne va pas se le cacher. Les Japonais, eux, aussi, bah pas du tout. Ah oui, ils attendent. C'est rouge, il n'y a pas de voiture, personne ne passe. C'est-à-dire que les deux ressources que l'homme a de plus précieux, c'est le temps et l'attention. Ça, c'est les deux choses les plus précieuses de l'homme. Parce que c'est des ressources qui sont limitées. Et ces gens, les Japonais, les locaux, acceptent de sacrifier un temple qui est parfois extrêmement long. Parce que les feux peuvent être longs quand t'as des gros carrefours et tout. Et ils attendent, même s'il n'y a aucune voiture, rien, aucun danger, ils vont rester bien tranquillement du côté de leur trottoir. Et par contre, là, dès que ça passe au vert, c'est la F1. Mais vraiment, genre, il y a un truc de c'est comme ça et pas autrement. Et globalement, j'ai l'impression que suit les règles. En ouais, fait, c'est ça. Il y a un respect des règles qui est assez important. Par exemple, il y a un sens de marche. Quand tu montes ou que tu descends les escaliers, il y a un sens de marche. À droite, tu descends et gauche, tu montes, je crois, quelque chose comme ça. Sur les escaliers mixtes, parce que bien sûr, il y a aussi des escaliers qui sont faits juste pour monter, mais bon, bref. Et encore, là, sur ces escaliers qui sont juste faits pour monter, à gauche, c'est pour ceux qui veulent monter plus. Enfin, bref. Y a aussi sur les trottoirs, ils sont compartimentés en 3 parties. T'as piéton, vélo lent et vélo rapide. Ça, c'est plus sur la chaussée et tout. Et les gens respectent ça. Et au début, quand t'arrives là, tu dis, putain, mais c'est trop bizarre. Ils sont hyper rigides, genre, ces gens ne vivent pas, en fait. Mais comme tout est ordonné, que les gens respectent, mais tout va plus vite, tout est plus efficace en fait. Et on gagne un temps et on se prend pas la tête. Vous savez ce fameux truc là, quand tu te balades en ville et que tu rencontres quelqu'un en face de toi et que tu veux l'esquiver et qu'il esquive dans le même sens que toi et que vous êtes là à danser de manière ridicule. Et ben ça n'arrive pas au Japon, jamais ou très très peu. Ouais. Bon, après c'est plutôt marrant ce genre de situation, mais c'est juste pour dire à quel point ils sont respectueux et enfin, c'est dingue. Non, mais c'est vrai. En plus, un autre truc par rapport à la ville en soi, c'est et au respect des Japonais, c'est qu'on entend. La ville est peu bruyante. En fait. Quand on est à Paris, mais il y a des bruits de partout, des klaxons, des voitures qui roulent très vite, très très fort d'un coup. Il y a tellement de bruit à Paris. Ça freine, ça klaxonne. Il y a des gens qui crient. Ça crie. Et là, aucun son. Il y a la moitié des voitures, j'ai l'impression, électriques ou hybrides. Voire je sais même pas. Plus. À mon avis, elles sont quasiment toutes hybrides. Plus. Hein. Incroyable. Et les klaxons. Ouais, à un moment, je me suis demandé si ça existait. En fait, s'ils en avaient. Ils ont inventé les klaxons ici. Jusqu'à ce qu'on en entende un. Ouais. Trois jours après être arrivé. Et je crois trois en tout sur deux semaines, quoi. Ouais, trois, c'est rien. 4-5 max. Ouais. Les seuls trucs qui sont très bruyants dans la ville, c'est les policiers et les ambulanciers, ah ouais. Les pompiers. Alors tous les trucs de service à la personne, de soins, de service de protection de l'ordre et tout. Alors là, mon gars, c'est la guerre à chaque fois dès que t'entends. Faut dire que nous, notre Airbnb est à côté d'un hôpital. Oui, ce qui fait que les ambulances sortaient. Donc toi t'es là sur ton lit et tout d'un coup c'est la guerre en deux secondes, oh là là. C'est incroyable. J'ai à un moment j'ai failli faire une crise cardiaque, j'étais en train de m'endormir et il y a une sirène et wow, je non me c'est dit, fou, mais, c'est fou que ça, c'est fou, c'est fou. Et surtout que ils ont un mégaphone pour crier genre écartez-vous, écartez-vous. Je sais pas ce qu'ils crient d'ailleurs vu que c'est du japonais, mais écartez-vous. Écartez-vous, écartez-vous. Et ouais, et du coup ça fait énormément de bruit, mais voilà. Non, c'est dingue. Mais franchement, la première fois que tu... Parce que Tokyo, c'est une des plus grosses villes du monde. Attends, t'as flex, hein? Non, c'est si, pas t'as clairement flex. Pourtant, y a pas de quoi. Tokyo, c'est vraiment une des plus grosses villes du monde. Et tu t'attends à ce que ça soit la folie. Et c'est effectivement la folie dans certains quartiers. Mais en tout cas, là où on était, autour de la Skytree Tower. La Skytree Tower. Non, c'est pas raciste, c'est comme ça qu'ils prononcent ça. Ils prononcent ça comme ça, mec, t'as déjà oublié. Non. Incroyable, toi ça t'a pas marqué, t'es pas sensible, toi, mais. Moi c'est là. C'est là. Mon corps il est là, mais l'esprit est là-bas, mon gars. Oui. Bref. Mais la première fois que tu fous les pieds dans une rue de Tokyo qui n'est pas ultra touristique, style Shibuya et autres, t'as l'impression que t'es sourd en fait. Parce que littéralement, il n'y a aucun bruit. Ouais. C'est incroyable. C'est si calme. Waouh. Est-ce qu'on peut parler du GOAT de ce voyage? Est-ce que savoir. Tu veux parler de... Non. Je prononce son nom. J'allais pas parler de lui. Ah. Moi, j'allais parler de 7-Eleven. Ah. ah. Ils nous ont sauvé la vie plus d'une fois. Hein. Alors là. Mais pourquoi il n'y a pas ça en France? Je ne comprends pas. Pour faire le topo vite fait, les 7-Eleven, c'est des petites supérettes, mais dans lesquelles tu trouves plein absolument de trucs. Tout. Absolument tout. Tu peux... Il y a du Wi-Fi gratuit. Tu peux retirer de l'argent. Même de l'argent étranger, des monnaies étrangères. Même de l'argent étranger. Et tu t'as beaucoup de produits qui sont à ta disposition. Mais tout, tu trouves des magazines, du lait, ouais. Des masques anti-pollution, anti-propagation de microbes. Ouais, là, ce qu'on à manger, japonais. Tout ce qu'il faut. De la crème solaire. Mais il y a absolument tout, c'est incroyable. Et il y en a tous les 200 mètres, à peu près. Des préservatifs aussi. Mais bon, ça t'intéresse pas. Quoi? Et non, c'est incroyable. Il y en a tous les 200 mètres. Il y a aussi beaucoup de Lawson et de... Family Mart. De Family Mart. Bon, après, ce qu'il faut savoir, c'est que les 7-Eleven ne sont pas japonais. À la base, je crois que c'est... je crois que c'est américain ou australien. Enfin, en tout cas, il y en a pas que au Japon. Mais je ne comprends pas pourquoi ça n'existe pas partout dans le monde, en fait. Ouais, faites-en. Si vous avez bien. Du budget et que vous cherchez un business, mais faites ça. Ça va marcher, mais... En deux secondes en France, c'est incroyable. Un magasin qui est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, où on trouve quasiment tout à des prix raisonnables, dans un an, vous êtes riche. Allez, c'est le petit tips. Non, mais vraiment, franchement, il y aurait un business à faire avec ça en France. Après, c'est peut-être dû au fait qu'en France, il y aurait du vandalisme. Tard le soir, peut-être. Je sais pas. Peut-être ce genre de choses. Aucune idée, franchement, je sais pas. Enfin, bref. En tout cas, effectivement, le 7-Eleven. En plus, on en avait juste en bas du Airbnb. Ouais. Le nombre de fois. Bah, en fait, tous les jours, on allait chercher un petit déjeuner. Tout, ouais. On allait chercher les trucs et tout. C'était incroyable. Ouais, c'était vraiment bien. D'ailleurs, j'ai un Jump Force du 7-Eleven. Ah, mais il est sur la table là-bas. Le non, non, c'est bon, c'est pas grave. Mais d'ailleurs, en parlant de petit déjeuner, ça me fait penser que pour tout ce qui est alimentation, nourriture et tout, ce qui est la même chose. Hein. Vous savez, tout ce qui se mange en fait. Ouais, tout ce qu'on met dans la bouche. Genre, qu'on avale. Des choses qu'on peut ingurgiter. Ingurgiter. Voilà, ouais. Digérer aussi. C'est ça, exactement. Qui sont pleines de nutriments. Enfin, Qu'on appelle ça, t'as dit quoi, c'était de là Des aliments. Ouais, de la nourriture. Yes, bien de la nourriture. Bien vu. Ben, on allait tous les jours au restaurant en fait. Parce que les restos là-bas sont. Très abordable. Très, très abordable. Très abordable. La plupart, hein, on va dire 80% sont plus, très... Mec. 90% sont très 102%. Abordables. 102%. Ah ouais, là, t'abuses. Et ouais, pour aller un budget de moins de 10 euros en tout cas, j'aurais dit 7-8 euros peut-être, t'as à manger avec franchement, un bon bol, avec une boisson. Peut-être, franchement, même moins, je dirais 5-6. Ouais. C'est juste pour le plat. Hein. Oui, si on compte juste le plat, ouais, 5-6 euros. Parce que souvent, c'était genre 700 yens, 800 yens. Et il faut savoir que les yens, c'est environ x 0,8. Donc, par exemple, 1000 yens, ça fait 8 euros, je crois. C'est ça? Ouais, à peu près, ouais, c'est ça, ouais. Attends, non, c'est 800 yens, ça fait 8 euros. Non, c'était 1000 yens, 8 euros. 1000 yens, 8 euros? Ouais. Ah oui, c'est ça, 1000 yens, 8 euros, effectivement, pardon. Et enfin 0,8. Bon, évidemment, il y a un multiplicateur à faire en plus, puisqu'on passe. Oui, bon, c'est un podcast sur les maths ou c'est un podcast sur le Japon. C'est peut-être un podcast sur la compréhension et la prononciation et le français et la grammaire, parce que t'en aurais bien plus. Dès que je fais une erreur, t'es là à me tacler. Et parce que tu le fais aussi, alors fais pas miskin. Moi, fais pas quoi. Non, j'ai rigolé, il y avait pas d'erreur. Bon, allez, bref. Attends, mais t'es un malade en fait. Je suis fatigué. On enregistre à 1h du matin, je le rappelle. Bah, à chaque fois, c'est ça en fait. Oui. On a un train de vie que Kobalade ne nous envierait même pas. Parce que de toute façon, il est riche, donc. Vous pouvez faire un podcast, Kobalade. T'imagines Kobalade qui fait un podcast? C'est marrant. Attention, tu vas imiter Kobalade là. Ouais, mais. Préparez-vous à la meilleure imitation de Kobalade que vous n'avez jamais entendue. Salut, c'est Kobalade. Non, mais ça serait marrant, genre salut, c'est Kobalade. Voilà. Et juste, ça serait ça, genre, tu sais, comme il a pas cette culture genre internet, podcast et tout, il serait là en mode t'as pas du shit, frère. On fait du son. Ah là, le Japon, ça me... Deuxième goat, Kato-san, je crois que là on peut en parler. Ah, Kato-san. C'est un japonais qu'on a rencontré dans des onsen. Alors les onsen, pour ceux qui ne savent pas, vous avez peut-être écouté le dernier album de Netfeu. C'est le, vous savez, le rappeur de internet qui fait sensation, la Netfeu. Bon, il affole les petits comme les grands. La veuve et l'orphelin. Et Netfeu. Genre, le gars il rappe que sur internet, tu vois. Tu veux voir ma méga beat? Et c'est tout. Parce qu'il est nul en fait. Et, ou c'est peut-être moi qui suis nul. C'est peut-être toi qui n'avais pas la bonne impro là. Alors attends. T'as vu, j'ai tout fait pour te sauver. Hein. Dans ce... Tu rigoles ou quoi? Tu m'as regardé, t'as fait... Mais j'ai encore. J'ai jugé normalement. Comme non, non, attends, il faut qu'on fasse une phase de Netfeu. C'est mon rappeur préféré, on est obligé. Ok. Vas-y, tu balances une phrase et moi je fais une rime avec. Ok, là, on est... T'allais faire le début de la bonne franquette. Ok, oui, là, on est posé. Oui, on est posé sur internet. Non, attends. Faut que je trouve un truc. Ah. Je suis posé avec mes potes, mes gigaoctets. Tu veux mon flow, tu peux pas le télécharger. Voilà. Je propose ça. Ouais. Ça va, ça passe. Oui, ça passe. C'est mieux que tu veux ma gigabit. Rien. Bit, BIT. Hein. Ouais, le chibrax, quoi. Non, le... Tu sais, les bits, Bit. Les trucs qu'on trouve dans... Ah, dans l'ordinateur. Oui, oui. Bah... Ah, mais oui, Netfeu, ça aurait été logique. Bah oui, en fait. Ah, je parlais, moi, de la bite de le sexe, quoi. Le sexe... Bah, ça. Ça, en fait. Ça. Ouais. Ok, bon bah, net feu en tout cas, si tu vois cette vidéo. Bah waouh, parce que tu n'existes pas en fait, donc incroyable. Ah bon, ce serait fou. Ouais, genre, imagine, on voit dans quelques mois un gars qui émerge et s'appelle Netfeu, genre. Mais ça serait une parodie, parce que bon, Netfeu, tout le monde connaît. Mais justement, pour en revenir à Netfeu, dans son dernier album, il dit Fumée sort de moi comme onsen, quelque chose comme ça, je me rappelle plus. Et en fait, les onsen, ce sont des bains publics, des bains thermales. Ah, donc là, tu voulais juste étaler ta culture. Il n'y avait rien à voir avec Netfeu, et juste il a dit le mot onsen. Donc tu Mais je fais une petite dédicace aux artistes que j'apprécie en fait. On a parlé de Kobalade, j'apprécie, c'est bien turn up, voilà, tac. Ouais. J'apprécie aussi Netfeu, j'en parle en fait, t'as un problème. Parce que si t'as un problème, tu peux dégager, la porte elle est juste là-bas. Hein. T'as 10 mètres à faire et c'est terminé, mec. Pour moi, la culture, c'est comme la confiture. Ouais. Plus on en mange, plus ça fait grossir. Exactement. Ça n'a aucun sens en fait. Bah, je mange beaucoup de confiture. T'es un malade, t'es un malade. Je mange énormément de confiture. T'es un malade. Oui, bah, ça se voit. Alors, Du coup, les onsen. Non, qu'est-ce que c'est les onsen? Incroyable. Les onsen, c'est peut-être le seul moyen de se droguer sans drogue. Ah ouais. Les incroyable. Sensations. Alors, sont dingues. Alors, déjà, la première drogue, c'est celle qui t'enivre l'esprit quand tu rentres et que t'as que des vieux de 50 ans et plus qui sont à Walpé. À Walpé, au calme. Ils sont là en train de se laver les baloches, de se raser, machin, et toi t'es là. Ah, il fait chaud. C'est la vapeur ou c'est vous, messieurs, là, c'est chaud quand même. Bref, et donc tu rentres dans ce truc, et tu dois te laver, machin et tout, et tu passes d'un bain qui est probablement fait de lave, tellement il est chaud en fait. Là, il y a des environ bains. 48 degrés, je crois, le bain. C'est vraiment, vraiment chaud. Ensuite, après, tu vas dans un jacuzzi. Ensuite, tu vas dans un bain qui est encore plus chaud. Qui est encore plus chaud. Ensuite, tu vas dans un bain tiède. Ensuite, tu vas dans un bain dans lequel il y a des particules marron qui flottent bizarre. Tu vois même pas tes bras, genre l'eau est noire. Tu Pour vois, moi, c'était du caca. Et après... Après, passer dans tous ces bains Tu vas dans un bain... glacial. Oh là là là là. Et là, je sais pas si c'est dû au fait de la pression sanguine qui change immédiatement, ouais, genre des variations d'oxygène dans le sang, mais tu planes en deux secondes, incroyable. Tu fermes les yeux, franchement, sans mentir. Moi, je fermais les yeux, j'étais là comme ça, je me suis vu comme ça en train de flotter dans l'espace, de tourner sur moi-même, c'était incroyable. C'est par rapport. C'est des sensations incroyables. Vraiment. Je pensais pas que juste passer d'un bain très très chaud à un bain froid, ça faisait des sensations pareilles. Mais ouais, je trouve que c'est plus fort que certaines drogues, vraiment. Ouais. Alors c'est... Enfin. Quoi. On en a pas. Non, on a. Enfin, on imagine jamais... quoi. Non, mais on a jamais pris de drogue. Pas de MDMA, pas de cocaïne, rien. Genre. Ça pourrait être plus fort que certaines drogues. Ah quoi ? Non, il n'y a pas de... La police, attention, il y a la police. Bleu, rouge, c'est la police. Bleu, rouge, c'est la police. Yes, bah, bien joué. Ouais, merci. Et du coup, dans ce même onsen... Mais attends, on n'a pas... Franchement, je suis désolé, ça part dans tous les sens, mais le Japon, c'était si incroyable. Ouais. Bref, dans ce même onsen, on a rencontré un Japonais qui nous entendait parler français et qui a dit « Vous êtes français ?» C'est un Japonais qui parlait français et il s'appelait Monsieur Kato. Kato-san. Et il était adorable. Une crème. Il nous a parlé... Il nous a pris sous son aile. Ouais, vraiment. Genre, déjà, il nous a payé une bière. Ouais. Tranquille, après le truc, on était là, on n'a rien demandé. Azaï. Il nous a payé une azaï direct. Pof, on était là, les doigts de pied en éventail, mon pote. Je te dis que ça... Hein. Et il nous a dit les coins dans lesquels aller. D'ailleurs, grâce à lui, on est allé au Asahi Beer Hall, qui est en fait, en gros, les bureaux de Asahi à Tokyo. Donc Asahi, peut-être la marque de bière la plus connue là-bas, j'imagine. Je pense, excellente bière quand elle est servie bien fraîche. Ah ouais. Incroyable. Et ils ont une Asahi qui s'appelle Extra Cold. Extra Cold. Pop. La Premium Black aussi est pas mal. Mais elle est quand même spéciale. C'est quoi, c'est un peu une bière ambrée, je me souviens plus. Ouais, ambiée. C'est servi dans un verre comme ça, t'es obligé de la boire vite parce qu'elle coule en fait. C'est très bizarre comme principe, mais bon, en tout cas voilà. Et non, bref, et au sommet de ces bureaux, il y a un bar Sky Lounge et t'as une vue sur tout Tokyo. Mmh. Oh madre mia! Et tout ça C'est gratuit, on paye ta bière. Dans le bâtiment, on prend l'ascenseur, on arrive là et tu on payes ta paye bière, bière 5 euros. Pourtant, t'es dans un bâtiment, il y a des bureaux. Enfin, je veux dire, là, c'est un truc quasi gouvernemental, tellement c'est important la bière azaïe là-bas. Et personne te pose de questions. T'es là, mec, on a pris l'ascenseur avec des employés qui étaient en costard-cravate, leurs petites mallettes et tout. Ouais. Et nous, on montait, eux, ils avaient fini leur journée. Et tout ce que t'as à faire, c'est payer une bière à 5 euros dans le bar lounge avec la plus belle vue sur Tokyo. Enfin, incroyable. Ouais, vue qui ressemble énormément, si vous avez vu Lost in Translation. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu Lost in Translation, regardez ce film. J'ai pas vu. Bah, regarde-le, franchement. Bah, je vais le regarder. Après, bon, ça va vous rendre dépressif. Vraiment. J'ai pas besoin de ça en ce moment. Mais bon, moi, comme je suis dépressif de base, ça allait. Ça va, Quentin ? Hein, quoi ? Oui, non, il y a. Ouais, il y a pas de. Ouais, bon. Parce que t'as l'air un peu ailleurs. Non, y a pas de... C'est sûr que ça va. Ouais. T'as ramené la corde que je t'avais demandé, là ? La corde, et tu m'avais demandé un tabouret aussi. Ouais ? Tu les as, hein ? J'ai tout. Ouais ? Mais pourquoi faire ? Non, mais tu les laisseras en partant, j'ai un peu de... De travaux ? Ouais, de bricolage à faire. Ah, t'as du bricolage à faire ? Ouais. Ok. Je vais dormir aussi. Non, ça c'est faux par contre. Ouais, c'est faux. Non, mais du coup, voilà. Et du coup, Kato-san, adorable. Très gentil, extrêmement. J'ai l'impression qu'il y a quand même une partie des Japonais qui est assez. Pas raciste, mais anti. Un peu anti-européen, tout ça. Et par contre, il y a une autre partie qui est vraiment adorable. Genre, on a été pris. Caucasien plutôt, je pense. Peut-être, ouais. Après, bon, je sais quand même que par exemple, les Japonais, les Chinois et tout, c'est pas l'amour fou. Ouais. Mais j'en ai pas vu, mais j'ai entendu dire qu'il y avait des restaurants anti-européens. Enfin, où on n'avait pas le droit d'entrer si on était. En tout cas, nous, ça nous est pas arrivé. On a toujours été bien reçus, un grand sourire. Il y a même parfois les serveurs s'accroupissent pour se mettre à ta hauteur, prendre ta commande. Voire même plus bas. Il nous a léché les pieds, ce bâtard. Ouf. Non, mais par contre, effectivement, autre truc trop cool dans les restaurants, c'est que t'arrives. Il fait 37 000 degrés, on te sert de l'eau gratuite, directement. On te resserre parfois même quand ils voient que t'en as plus. Parfois, on a même le droit à un thé matcha d'une qualité. Oh là là. Mucho bueno. Enfin, incroyable. Ouais. Et Kato-san, voilà, adorable. On l'a laissé. On a un selfie avec lui. Allez, je le mettrai pour le plaisir quand même. Ouais. J'avais pas envie de faire du montage, mais je mettrai un selfie avec Kato-san. Incroyable. Kato-san. Je sais plus comment on dit je t'aime en japonais, je crois. I love you. Non, c'est. Ah, c'est pas ça. C'est. Je sais plus comment on dit. T'es un mot, je crois. C'est. Ich liebe dich. Ah, je sais plus. Ich liebe dich. Je sais plus, mais en tout cas, je t'aime, Kato-san. Incroyable, cet homme. On ne saura jamais ce qu'il est devenu. Et à jamais, ça restera un souvenir qui est gravé là-dedans. Et c'est fou de se dire que. Ces gens-là, quand on est né, on n'était pas du tout amené à les croiser, tu vois. Mais le fait d'aller au Japon, de prendre toutes ces décisions, ça a fait que nos destins se sont croisés et à jamais, on partagera des souvenirs et une histoire avec cette personne. Et ça, c'est fou. Je pense que c'est le truc qui m'intéresse le plus dans les voyages. C'est alors forcément découvrir des cultures culinaires, historiques, artistiques, mais surtout rencontrer des gens et... découvrir qui ils sont, leurs histoires à eux, parce que c'est fou, mais même quand tu marches dans la rue, on se rend pas compte, mais parfois, des fois, je me dis, incroyable, en fait, tous ces gens-là qui m'entourent, ils ont une histoire. Chacun va faire un truc, chacun vient de faire un truc, chacun a... Par exemple, tu vois quelqu'un qui a 45 ans, il faut se dire que cette personne a 45 ans d'expérience derrière lui. Enfin, c'est incroyable. Moi, je vois des groupes de gens, je me dis, ça... Qui sont-ils ? Si j'étais né ici... Ça aurait peut-être été mes potes, ouais, on ne sait pas, j'aurais grandi complètement différemment, j'aurais fait d'autres choix dans la vie, enfin, c'est fou. C'est fou, ça tient un peu de choses. Attends, je crois que mon chat se bat, 2 secondes, non ça va. Nexi ? Elle est là. Ouais. Je suis obligé de surveiller mon chat parce que, bon là on a ouvert, car il fait peut-être 50 000 degrés à environ, Strasbourg. Environ là. Invivable, ça va ou quoi ? Et c'est, pourquoi on parle aux animaux comme à des enfants ? Parce que parce qu'ils ont l'air de vouloir entendre ça. Oh, oui, bébé chat. Elle est adorable. Et bref, du coup, on a ouvert la comment on appelle ça ? La fenêtre, véranda, chez... la porte fenêtre. La véranda. On a ouvert le toit en fait. non mais du coup, on a ouvert les la fenêtres. Porte-fenêtre. La porte fenêtre, ouais. Histoire de faire entrer un peu de chaleur. Mais par contre, il faut que je surveille à ce qu'elle ne monte pas sur la rambarde pour aller chez les voisins. Parce que on a une grand-mère à côté qui déteste les animaux. Enfin, pas, elle sait pas qu'elle les déteste, c'est qu'elle en a peur. Et cette femme vit avec son fils qui, soit dit en passant, se balade nu en criant avec une voix. j'avais perdu mes mots tellement c'est. On sent que tu l'aimes, ce voisin. Incroyable. Un jour, je me suis enfermé dehors parce que voilà, j'étais au bout de ma vie et je faisais les trucs trop rapidement. Je me suis enfermé dehors. Je lui ai demandé, putain, vous auriez pas une radio ou un truc, parce que bon, on sait ouvrir les portes ici. Hein, bon. Le ghetto, on s'en souvient. Et genre, t'as jamais grandi dans. Il y a plein de trucs sur moi que tu sais pas, ok. Et genre, le gars arrive et je lui fais, vous auriez pas une radio ou je sais pas quoi. Il me fait, mais littéralement avec sa voix, non mais t'inquiète, je ramène un marteau, on fait péter la serrure et tout. Non, vous avez pas une radio, genre ça va aller. J'ai appelé un serrurier vite fait, je me suis dit, j'avais trop peur qu'il fasse péter ma porte littéralement quoi. J'apprécie cet homme, il est très sympa, mais. Waouh, c'est quand même une personnalité spéciale. Déjà, vraiment, il se balade quasiment nu en fait, dans l'appartement. Enfin, appartement. C'est bizarre. C'est peut-être ça qui est bizarre en fait. Ouais. Le fait qu'il habite chez moi. Le fait qu'il soit nu chez toi. Non, mais dans l'appartement, il se balade quasiment à Walpé. Et il a une voix vraiment rocailleuse comme ça. Bah. Enfin, il faut le voir pour le croire, c'est assez spécial. Ouais. Et bon, bref, et sa mère a peur des chats. Mais de quoi on parle en fait là? On parle le Nexi qui était sur le balcon. C'était l'interlude chat. Voilà. L'interlude chat. Est-ce qu'on peut peut-être parler des animaux? Ah tiens, maintenant que j'y pense, on n'a pas fait de bar à chat, de bar à chèvre. Parce qu'il y a les bar à chèvre, de bar à hérisson, de bar à hibou, on n'a pas fait tout ça. On n'a pas fait, non. En tout cas, on a vu beaucoup de Shiba Inu et ça me rend extrêmement heureux. D'autant plus qu'on a vu le fameux El Famoso Hachiko. C'est vrai. On a vu, la, pour ceux qui ne le savent pas, Hachiko, c'est la statue du Shiba Inu qui avait attendu son maître à la gare pendant 7 ans. Pendant 7 ans, tous les soirs, alors que son maître était décédé finalement. Et il attendait toujours pendant 7 ans. Il revenait tous les jours. Même du coup, il a droit à sa statue. Il a une statue. À Shibuya ou Shibuya, C'est Shibuya. À Shibuya. Shibuya, c'est Shibuya. Donc vraiment à côté du passage piéton le plus emprunté du monde. J'en parlerai dans un. Ouais, le Shibuya Crossing. Qui est le passage piéton le plus fou du monde. Mais ça, j'en parlerai dans un futur vlog, donc no spoil. Mais ouais, Hachiko, c'est incroyable. Genre, c'est tellement, ça fait tellement partie de l'ADN de la ville que la statue qu'ils ont faite de lui a été fondue pendant la Deuxième Guerre mondiale pour réussir à récupérer du métal et faire des munitions, parce que c'était la dèche niveau métal. Et c'est tellement important qu'ils l'ont reforgé après la guerre. Ils ont refait une statue de Hachiko qui est toujours là, qui est formidable, et c'est incroyable. Ouais. La fidélité de ce chien qui a marqué tout ce quartier, et même probablement tout Tokyo, peut-être même tout le Japon. Enfin, en tout cas, c'est vraiment devenu une légende à Chico. Je surveille juste l'heure, on doit être à 40 minutes, 47 minutes quand même là. C'est pas mal déjà. Ah, ça fait long. Hein. Mais franchement, on pourrait en parler des heures. Le Japon, si vous avez la chance d'y aller, même si vous aimez pas forcément le Japon, qui était ton cas, enfin... T'apprécier, non. Mais sans avoir de l'amour. Ouais, c'est-à-dire que... C'est-à-dire... c'est-à-dire que moi... T'apprécier, c'est-à-dire... J'appréciais, c'est-à-dire que je regardais... Enfin, j'ai regardé quelques animés comme mon Dragon Ball Z, évidemment. Dragon Ball Z. j'ai vu quelques animés, My Hero Academia, etc. Et cette culture japonaise, juste, je me disais... Ça a l'air sympa. Sympa, ouais. Mais sans plus. Entrer dans les détails, sans je me disais pas... Sans attraction particulière, voilà. En te disant, waouh. Ouais, je me disais pas, ça a l'air... Enfin, si j'y réfléchissais, je pense que je me serais dit, ça a l'air incroyable. Mais juste, je me posais pas la question, en fait. Mais le fait d'y être allé m'a fait tomber amoureux de ce pays, finalement. Parce que c'est vraiment incroyable, je l'ai dit. 7. Enfin, après j'ai arrêté de compter, on est peut-être à beaucoup plus. Mais ouais, c'est fou. Et vraiment, si vous avez la chance un jour d'y aller, surtout que c'est maintenant beaucoup plus abordable. Moi je me souviens, parce que c'est vraiment un rêve qui datait d'il y a 15 ans, aller à Tokyo et tout, enfin au Japon tout simplement. Et je me rappelle avoir regardé déjà il y a plusieurs années combien ça coûtait, c'était hors de prix. Enfin, les billets d'avion pour le Japon il y a encore quelques années, il fallait vraiment... débourser littéralement un SMIC pour pouvoir y aller quoi. Et aujourd'hui on peut très facilement partir à des prix très abordables. Donc franchement, si vous avez la chance d'y aller, allez-y. En parlant de chance, on peut peut-être parler un petit peu des jeux vidéo, des salles d'arcade, des UFO Catcher. Ah, moi, vu qu'on était encore un peu sur la ville, vas-y, vas-y, je t'en prie. J'aurais juste rajouté que ce qui est dingue, c'est qu'on peut, c'est que la plupart des bâtiments de la ville sont récents, comment dire, géométriques, etc. Et puis, en plein milieu de cette ville moderne, on tombe sur un temple traditionnel. Traditionnel. Parce qu'en fait, les Japonais peuvent, font ce qu'ils veulent de leur argent en matière de construction. Et du coup, soit ils font un truc ultra moderne, soit ils font un truc ultra traditionnel. Et le truc, c'est qu'on pourrait se dire, ça dénote énormément ou c'est pas beau. C'est magnifique. C'est vrai. C'est chaotique, mais étrangement, c'est un chaos sensé, en fait. Genre, un chaos organisé. Un chaos organisé. J'ai cru que t'allais sortir El Famoso. C'est un pays entre tradition et modernité. Là, j'aurais tout arrêté direct. Dans ma tête, j'y pensais. Je me disais. Ça suffit, Alexandre. Pas ça. Ça suffit. Mais en vrai, c'est compliqué de trouver une autre formulation parce que c'est vraiment le cas. C'est vraiment un pays qui est le parfait équilibre entre tradition et modernité, quoi. C'est ce que tu l'as dit alors. Je l'ai dit. Tu l'as dit. Je le dis. J'assume. Aïe. Écoute, mais... bon, il faut prendre des risques dans la vidéo. Non, mais tu vas te reconvertir blogueur sur le Japon, c'est pas possible. Blogueur voyage bas de gamme. Il y a... Alors, une étoile sur TripAdvisor. Je te permets pas. Mais c'est vrai, c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver. Non, mais c'est vraiment dingue. Genre, on trouve effectivement des bâtiments ultra modernes avec des grandes baies vitrées sur tous les côtés. Après, t'as un immeuble qui sort des années 80 avec du carrelage et tout, un truc un peu vintage quoi. Et tout d'un coup, effectivement, t'as un temple, what the fuck, t'es là tranquille avec des gens qui font des prières. Mais... C'est fou, t'as l'impression de voyager dans le temps et dans l'espace. C'est ensorcelant, vraiment. C'est fou comme... Tu rêves la nature, dans cette ville, c'est incroyable. Tout ça bordé par la nature, effectivement. Ouais. Du coup... On peut parler des salles d'arcade. Ouais. Allez, parlons un petit peu de la pop culture au Japon. Comme ça, on fera tout un chapitre. Ça fait quand même 50 minutes maintenant. Ouais, la pop culture au Japon, c'est incroyable. C'est vraiment ancré dans la ville, dans tout. Parce que... J'ai un exemple qui me vient en tête aussi, c'est que partout on voit des petits personnages dessinés. Et par exemple, à un moment on était dans un restaurant, et au moment de payer, sur le DAB, il y avait pendant le loading, genre il y avait un petit personnage qui apparaît sur le truc. Et sur le DAB, pendant le logging, bon, si je suis pas graphiste ou dans les nouvelles technologies. Non mais effectivement, franchement je sais pas si tout le monde comprend. C'est même pas un DAB, parce qu'un DAB c'est un distributeur billet. Ah non, billet, pardon, ouais, c'est pas un DAB, c'est un... Je sais pas qu'on appelle ça l'espèce de la console. Machine où on paye. La machine où on paye, là. Tiens, bizarrement le vocabulaire descend tout d'un coup, là. Oui, c'est peut-être parce qu'il est 2h du matin, parce que t'as mis 1000 ans à faire les réglages. Peut-être parce que tu m'as pas aidé aussi, en fait. Peut-être que je jouais à Zelda, j'avais pas le temps. Et en réalité, effectivement, il y a tout ce truc d'avoir des symboles partout. Par exemple, on est passé devant plusieurs fois devant des commissariats, et il y a toujours des mascottes. Ouais. Alors que ça représente... En France, c'est très formel, c'est administratif, c'est gouvernemental. Là-bas, il y a des petites mascottes. Ouais. Tranquille. Il y avait même une affiche. Des peluches. Un mec. We want you! Mais en mode manga et tout. C'est fou comme. Je sais pas à quoi c'est dû. Parce qu'ils ont une culture rapport aux images qui est très vieille. Tu te souviens quand on avait fait le musée de l'ère Edo là? Qu'il y avait toutes ces planches de comment ils arrivaient à produire des images, tu sais, en superposant des couches sur des couches sur des couches. En fait, c'est très vieux. Et nous aussi, l'homme occidental a ça depuis très longtemps, dans les grottes par exemple. Mais chez eux, c'est resté. Mais c'est ouf comme chez eux, vraiment. C'est... En fait, alors même pour un autre truc qui m'a marqué à ce niveau-là, c'est que j'ai essayé d'apprendre un petit peu du vocabulaire japonais avant de partir, je me suis dit ça peut être utile, via l'application Duolingo. Et pour faire quelques exercices sur Duolingo, il faut activer les clés. C'est un placement de produit, on reçoit de l'argent. Exactement. Pour ça. Bah, tu vois le billet qui n'existe pas là, bah, il est à nous. Et en fait, pour faire quelques exercices sur Duolingo, tu dois activer un clavier rapport à la langue que tu es en train d'apprendre, tu vois. Donc j'avais activé le clavier japonais, et il s'avère, et vous pouvez vérifier vous-même, que le clavier officiel japonais a tout un un répertoire de smileys préfabriqués, mais pas des emojis qui sont accessibles à tout le monde. C'est vraiment uniquement accessible sur le clavier japonais. Et il n'y en a pas 10, il y en a des centaines. Vous savez, les accents circonflexes tirés du bas, accents circonflexes, que mais des trucs comme ça. Des trucs très complexes, comme ouais. le fameux meme de la Lenny Face, ce genre de choses, pour qui... pour ceux à qui ça peut parler. Mais ouais, c'est incroyable. Ils sont vraiment... peut-être que c'est par rapport au fait qu'ils sont... Ça permet d'exprimer des choses comme les émojis, les émotions, les sentiments, les ressentis. Mais en tout cas, voilà, ils sont vachement dans le symbole, la picturalité, si ça, attends, bien même si ça peut se dire. Pictural, ça se dit, picturalité, je ne sais pas. Je le tente. N'hésitez pas à me lancer des cailloux ça n'existe pas. Non. Bah, moi, je t'en lancerai parce que. On voit ça aussi dans les salles d'arcade. Les salles d'arcade. Exactement. Bien vu. Oh là là. Ouais, il y en a énormément là-bas. Nous, on était principalement dans des Taito Station. Taito Game Station. Game Station. D'ailleurs, j'ai une pièce là-bas qui vient de... Ah, c'est vrai. Et une pièce où il y a le symbole Space Invaders dessus. Ouais, le logo de la franchise, c'est Space Invaders. Et ouais, en fait, dans les salles d'arcade, alors on a de tout. On a du gachapon, donc les machines où on met une pièce, on tourne et on a une boule qui descend avec dedans une petite surprise. Voilà, on ne sait pas. Il y a un éventail de trucs. Alors d'ailleurs, il y en avait beaucoup en France quand j'étais petit. Ah ouais. Mais ça a totalement disparu. Aussi. Pourquoi? Pourquoi? Moi, j'adorais ça. J'adorais ça. Mais en fait, foutre de l'argent en l'air pour des mes parents ne voulaient pas m'en acheter. C'est dingue, je sais pas. Il y en avait, parce que là on habite pas trop loin d'un, enfin j'habite pas trop loin d'un Super U, et il y en avait tout plein quand j'étais petit des gachapon, donc je ne sais pas pourquoi ça a disparu, dommage. Bref, voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, il y avait les UFO catchers aussi. Alors ça, qui font perdre beaucoup d'argent. Vous savez, c'est les fameuses pinces qu'on contrôle avec un joystick et on doit essayer de prendre une figurine ou un lot, mais de manière impossible, en fait, c'est fait pour que ça ne soit pas possible. Cela dit, t'as quand même réussi à choper un Deadpool. Pourquoi? Je te laisse raconter l'histoire. En fait, à un moment donné du voyage, voilà, on se baladait et il y avait un UFO catcher et c'était une figurine My Hero Academia et je me suis dit, oh bah écoute, je vais tester. J'ai juste assez pour faire une partie, je vais tester. Et j'ai lancé. Et j'ai failli la voir, vraiment, du premier coup. Et du coup, dans ma tête, c'était devenu possible. Maintenant, c'est sûr, je vais la voir. Voilà. Et du coup, un peu plus tard, comme j'avais eu de l'argent que pour une partie, j'ai pas pu réessayer de la voir. Et un peu plus tard dans le voyage, j'ai vu un Deadpool qui, ma foi, une figurine Deadpool qui, ma foi, m'a fait un peu de l'œil, on va le dire. Elle est plutôt jolie, plutôt jolie. Elle est plutôt sympa. Voilà. Et du coup, j'ai essayé de l'avoir, sauf que je me suis dit, vas-y, là, je mets tout l'argent qu'il faut pour l'avoir. Et du coup, j'ai mis directement. Avec cet accent, parties. D'ailleurs. Avec cet accent. T'es ridicule. Merci. J'ai mis 5 parties. J'ai essayé. J'arrivais pas. J'ai remis 5 parties et j'ai toujours pas réussi. Et du coup, je suis allé voir le personnel pour qu'il me m'aide, en fait. Et du coup. Il y a une personne du staff qui est venue, qui l'a déplacé pour que ce soit plusieurs fois. T'as plusieurs fait appel à elle. Bon, je peux raconter aussi. Tu triches pas, bien sûr. Oui, merci. Et du coup, j'ai essayé de la choper plusieurs fois alors qu'elle m'avait facilité le coup. Mais à chaque fois, je la remettais de façon à ce que ce soit impossible de l'avoir. Et au final, elle l'a vraiment mis pour que n'importe quel coup puisse passer. Que vraiment je la gagne à coup sûr. Et voilà, au final je l'ai eu, j'ai dû dépenser je sais pas à peu près une vingtaine d'euros pour l'avoir, et alors qu'elle doit coûter à peu près 12-13 euros. Mais bon, au moins il y avait le jeu de le challenge, quand bien même effectivement c'est clairement impossible, ouais. C'est fait, les barres elles sont recouvertes d'une sorte de Elles sont plastifiées, De gélatine, pour qu'en fait la boîte ne puisse pas glisser. Elle reste, quand elle tombe, bam! Elle est collée, elle reste collée dessus. Mais effectivement, c'est très bizarre parce que quand tu joues, enfin, avant de jouer, tu dis, toute façon, c'est impossible et tout. Tu mets une pièce, t'y arrives un petit peu, la boîte bouge, tu fais attends, une minute là. Là, c'est possible là? Je peux l'avoir là? Et tu dis, allez, encore une. Et t'es là, 40 euros plus tard, et t'es là, bon là, c'est. Bon là, c'est quand même. Mais bon, tu l'as eu. Après, je sais pas si c'est dû au fait qu'on est des Occidentaux, du coup, elle nous a aidés. Peut-être. Voilà. En tout cas, c'est assez dingue ce qu'on peut gagner dans les UFO Catchers. On est allé à Akihabara, qui est aussi une des grosses villes de la pop culture au Japon. Et il y avait une femme qui essayait de choper des tablettes de charcuterie dans un UFO Catcher. C'est vrai, ça. C'est peut-être le dernier truc que je m'attendais à trouver dans un UFO Catcher, mais c'est assez dingue. Ah, il y avait des canettes de Red Bull. Il y avait tout. Ouais. Il y avait des faux AirPods aussi. Ouais, les El Famoso faux AirPods. Les salles d'arcade en elles-mêmes. Alors ça, c'est fou de voir que il y a des salles de jeux vidéo, mais qui s'étendent sur des étages et même en longueur. Et en fait, il faut bien comprendre que c'est la culture là-bas. Il y a énormément de Japonais le week-end ou après le travail, ou même parfois entre midi et deux, entre les cours, qui vont là-bas pour jouer, pour se détendre et tout. Bon, par contre, ils sont dans une strate de réflexes. C'est probablement des serpents qui dépassent l'entendement. C'est genre un truc de ouf, genre. Vous savez, les fameux jeux où il faut appuyer super vite là. Toi, t'es là, tu fais. C'est dur quand même. Oui, ils sont là. Ah ouais. Et genre, ils font mouche à chaque fois et tout. Mais par contre, ils transpirent de ouf et tout. Enfin, ils sont là en tenue d'écolier, donc avec chemise et tout, mais à transpirer de malade en faisant des. Mais ils pètent le score, tu vois. Et toi, t'es là. Incroyable. C'est donc pas des hommes en fait. Exactement. C'est assez ouf. Et ouais. Ouais, il y a de tout. Il y a des jeux. Où vraiment t'as 20 bornes du même jeu et où tout le monde joue en ligne. C'est souvent des trucs de gros robots à la Transformers et tout qui se combattent. Il y a du Tekken. Voilà, il y a des jeux de zombies, des jeux de voitures. Des jeux de rythme, il y en a beaucoup. Des jeux de danse. C'est vrai qu'ils sont très, très jeux de rythme, les Japonais. Ouais. Dommage qu'on n'en ait pas plus en France, moi j'adorais ça. Rhythm Paradise sur Nintendo DS, c'était vraiment cool. Ça me dit quelque chose, mais. C'était un jeu, il fallait tapoter sur l'écran, sur le BPM, ouais. Sur le beats. C'était vraiment cool. Ça me dit quelque chose, effectivement. C'est une très bonne musique. C'était pas un truc où t'avais une sorte de vaisseau un peu dans l'espace et tout. Il y avait plusieurs mini-jeux. Il y avait un gars où, normalement. Fallait taper sur les kicks et en fait il tapait le sol et t'avais des radis qui sautaient du sol qui allaient dans sa hotte et tout, enfin tout un délire un peu à la WarioWare. Ouais, très très arcade, enfin voilà, c'est des trucs qui sont pas du tout dans la culture occidentale, mais là-bas et c'est autre chose qui est dans les salles d'arcade aussi, c'est des jeux de casino. Vraiment, il y en a énormément et il y a des gens qui ont l'air concept, mon gars. C'est fou. Qui invente ça en fait? Il y a des fois des bornes énormes avec au milieu une statue géante de Ken le survivant. Ouais, c'est fou. Qui s'illumine quand tu mets une pièce. Enfin, d'ailleurs, il y a des gens parfois qui laissent des pièces pour que tu puisses faire une ou deux parties. Mais encore plus intéressant, parfois les gens. Parce que tu as aussi des jeux de cartes. Tu as tout un truc de. Comme Yu-Gi-Oh! Mais en vrai, c'est-à-dire que tu as une console comme ça avec un écran et tu poses des cartes que tu achètes au préalable et ça invoque un personnage, tu peux faire des combats et tout. Et parfois, les gens laissent des cartes pour les petits ou pour les joueurs suivants et tout. Donc, c'est ouf cette notion de partage aussi. C'est comme les enfants. Je sais pas si tu te souviens, mais une fois on allait manger Domino's Pizza parce qu'on s'est dit, allez, il faut quand même goûter un petit peu. Et d'ailleurs, Domino's Pizza, c'était. Bien meilleur que chez nous. J'ai trouvé ça meilleur. Alors par contre, il y avait des goûts vraiment différents, mais j'ai trouvé ça meilleur. Mais bon, bref. Et du coup, on a mangé une pizza Domino's dans un parc en face d'une école et tout. C'était dingue déjà de voir que aucun enfant n'était maltraité dans cette cour de récréation. Là. J'imagine. Vous avez tous l'air. Il y a aussi du harcèlement, il y a aussi du bullying, bien sûr, non, ce genre de choses. Non, c'est le Japon, il y a pas ça. Mais en tout cas, dans la cour de récré, de ce qu'on a vu, aucun enfant n'était mis à l'écart. Ils jouaient tous ensemble. Ils faisaient attention parce qu'ils faisaient 1000 sports à la fois. Genre. Il y avait du baseball, du foot, du basket. T'en as qui sont là avec leurs échasses, d'autres qui font du monocycle. C'est quoi ces écoles? C'est paramilitaire ou je sais pas quoi. Mais par contre, dans le parc à côté, il y avait des enfants qui jouaient au foot et ils ont laissé leur ballon en partant. Mais pas parce que c'était genre crade ou quoi, c'était pour les prochains enfants. Je sais pas si tu te souviens, il y a même un gars qui est venu en vélo avec son ballon de basket pour jouer directement avec des enfants qui connaissaient pas, je sais pas si tu te souviens. Ouais, si, je me souviens. Et d'ailleurs, en parlant des vélos, on peut peut-être lâcher le morceau, mais c'est probablement le pays le plus sûr du monde, peut-être. Je pense. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle. Aucun vol. Tiens, je te laisse parler des vélos et moi je parlais de l'anecdote du gars qui a tout laissé son matos au Starbucks. Ouais, au niveau des vélos, c'est fou parce que chez à Strasbourg ou à Paris, n'importe où, en Occident, vraiment impossible de sortir en vélo, à vélo, sans antivol. Parce que forcément, dans ta tête, tu dois l'attacher, parce que sinon tu vas te le faire voler, c'est sûr. Et là, on arrive au Japon et on voit des vélos sans antivol posés comme ça, à même la rue. Et on se dit, mais... à même la rue. Mais là, bon, on a un petit problème technique, je sais pas ce qui se passe. Si ça marche. Mais tu sais à peu près quand c'est arrivé ? À 1 minute 4, donc c'était il y a 1 minute, hein. Mais je sais pas du tout. Attends, je vais checker. Est-ce qu'on finirait pas ce podcast avec un seul micro? Ça a bugué, effectivement. Bon, Tu crois que tu auras la piste encore? J'ai la piste jusqu'à 1 minute 4. Ah, ok. Il va falloir se partager celui-ci. Bon, du coup, je vais laisser tomber celui-là. Ouais. On va investir dans du matos pro parce que là c'est juste pas possible. Genre là on enregistre sur deux ordinateurs en même temps, on a des problèmes de micro, il va falloir faire de la synchro après. Ouais. Bref. Mais bon, ça fait partie du jeu. Mais je t'en prie, fini ton anecdote sur les vélos. Ouais, bah j'avais terminé juste vraiment salut le vélo, ça va quoi. Pas mal le guidon là. Pas mal le guidon. En forme, mais ça pousse à la salle. Hein. La petite selle là, t'as squatté, hein, c'est sûr toi. Et on envoyait des vélos juste posés dans la rue comme ça, sans antivol. Et je trouvais ça vraiment, vraiment dingue. Ouais, genre Même des garages ouverts où il n'y avait personne dedans. Il y avait des affaires, des vêtements, des trucs. Des vélos, mais des gens, on voyait personne. Et encore plus impressionnant, là, parce que là on parle de beaucoup d'argent. Je suis dans un Starbucks assez vide, hein, en pleine journée, et il y a un gars qui arrive, voilà, en chemise, plutôt beau gosse et tout, bon, probablement un homme d'affaires. Le gars, c'était clairement Vincent, et le gars, au bout d'un moment, il reçoit un coup de fil. Il laisse absolument tout en plan, son portefeuille à la vue de n'importe qui, son sac en dessous. Vu qu'on a qu'un micro, je peux peut-être faire des gags visuels. Genre moi je mime le gars qui laisse. Attends, tu m'as coupé pour dire ça? Ouais. Je te les teste. Donc le gars arrive au Starbucks, il est là, il tapote sur son piano et tout d'un coup sur son piano, parce qu'il a ramené un Starbucks au piano. Vas-y, mime le, voilà. Oh là là, il est lourd mon piano, je suis au Starbucks. Et donc là il tapote. Ah mais non, en fait c'était un ordinateur. Non, mais du coup il est là avec son ordinateur. Et au bout d'un moment il reçoit un appel. Allô, qui est-ce? Bon d'accord, je vais sortir, je t'entends pas. Donc il sort. Sauf que en sortant, qu'est-ce qu'il laisse sur sa table? Absolument tout. Il y a son portefeuille à la vue de tout le monde. Il y a son sac en dessous de la table. Encore une fois, n'importe qui peut passer le prendre. Son PC allumé. Il y a deux téléphones qui sont juste à côté du PC. Et il y a juste le gars s'en fout, en fait. Et il est parti littéralement une heure avant de revenir. Non, d'ailleurs, non. Il est même pas revenu. Il est revenu en éclair. Il est revenu, je sais pas faire quoi d'ailleurs. Et puis il est reparti. Et après, nous, on est parti, on a quitté le Starbucks pour aller je sais plus trop où. Et le gars, quand on est parti, en tout cas, il était encore dehors à téléphoner avec toutes ses affaires à l'intérieur. Enfin, c'est incroyable. Comme il y a vraiment un respect des gens et une honnêteté qui est ambiante et vraiment ancrée dans les mœurs là-bas. C'est fou. Ouais, franchement, c'est incroyable. C'est, c'est le mot de la soirée. Incroyable. 9, 10, peut-être, je sais pas. Mais... ouais, voilà, à part ça, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Hein, Non. Non, on n'a pas fait le tour du tout, mais je pense qu'on va... En vrai, on pourrait en parler effectivement des heures. Il y a encore tellement de choses à dire. On pourrait parler du Airbnb au Japon, c'était quand même toute une aventure. On pourrait parler de Tim et Jeremy. des Australiens qu'on a rencontrés dans la share house. D'ailleurs, on pourrait expliquer ce que c'est une share house. Eh oui, peut-être que vous ne l'avez pas vu, mais on a le même tatouage fait à Tokyo avec un Japonais qui parlait anglais, qui voyageait énormément, un tatoueur de Yakuza et tout. Enfin, il y a encore plein de trucs dont on peut parler. Ouais, il y a énormément de choses. Peut-être un épisode 2, on sait pas. Peut-être. Est-ce que c'est du teasing? Bah oui, ça a tout l'air d'être du teasing. On fera pas d'épisode 2. Non. Calmez-vous, arrêtez de nous... Là, je les vois, ils sont... Demander, ils sont assez dingues. Ils sont en train de laisser des commentaires, là. J'ai eu un accent canadien. T'as dit quoi? Arrêtez de nous demander, là. C'est pas possible, les Français, quand même. Non, mais du coup, c'était assez dingue. En tout cas... Moi, je suis vraiment tombé... J'étais amoureux spirituellement de cette ville et je suis... Ça a confirmé ton amour. Non, même pas. Je suis tombé amoureux physiquement de cette ville. C'est-à-dire que... C'est-à-dire, là, j'ai du mal à... Je le ressens, à chaque fois que je pense à tout ça, oui. J'ai une énorme érection. Ah non, vraiment. Là, en ce moment même, là, par exemple. Non, j'ai vraiment... J'ai vraiment un sentiment bizarre. Qui me hante par rapport à Tokyo. J'ai hâte d'y retourner. J'ai hâte de faire le reste du Japon aussi. C'est un pays incroyable dont on a beaucoup à apprendre. Alors il y a aussi beaucoup de côtés négatifs, c'est-à-dire que les gens ont l'air de se tuer au travail, vraiment. Mais en tout cas, il y a énormément de côtés positifs, et ne serait-ce que pour le dépaysement, il faut y aller. C'est une culture incroyable qui mérite d'être découverte par tout le monde. Découverte par tout le monde, oui, pardon. Tiens, vas-y. Ouais, franchement, le mot de la fin, tranquille. Ouais, ce qui est vraiment fou, c'est comme tu le disais, le dépaysement. En fait, on a autant si on va, je sais pas, dans un pays de l'est de l'Europe, en Allemagne ou à Londres, enfin, on retrouvera un peu les mêmes éléments, les mêmes comportements chez les gens, etc. La même culture. Et là, c'est vraiment différent, et c'est ça qui est fou. Et pourtant, enfin, si on pourrait se dire, bah autant aller en Amérique du Sud où là ce sera vraiment des paysans parce que pour le coup, voilà, ce sera un peu moins, comment dire, je sais pas où je veux en venir en fait. Non mais qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y, il faut trouver les mots, c'est important. Ouais, si on va en Amérique du Sud par exemple, ce sera moins en fait, on a... Non, voilà. Mais je veux dire, Tokyo, par rapport à Paris, par exemple, on dirait que c'est un peu une ville miroir. Parce qu'elles ont avancé... Elles ont avancé à peu près pareil. Elles sont à peu près au même stade. Mais tout est différent. Cela dit, si je me souviens bien, au niveau de l'évolution, ça a été beaucoup plus fulgurant chez Tokyo. Parce que, a priori, avant les années 70, le Japon était assez pauvre. Et ça a explosé avec l'ère technologique et informatique là-bas. C'est ce qui a permis de rendre le pays riche. Mais effectivement, on retrouve une sorte de même niveau technologique. Mais quand même complètement différent, c'est dingue. Vas-y, je t'en prie. Mais ouais, voilà. Du coup, je pense qu'on peut s'arrêter là pour le podcast. Moi, j'ai envie de faire rêver les gens, parce que les rêves, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Le jour où on n'a plus de rêves, non seulement l'enfant qui est en nous meurt, mais aussi notre humanité meurt. Donc les rêves, c'est important. Et j'ai envie de faire rêver les gens. Donc, quand tu penses au Japon, tu penses quoi? Je pense respect. Je pense à la nature ancrée dans la ville. Je pense à la propreté. Vraiment, je pense que à des bonnes choses, en fait, finalement. Alors après, on était peut-être aussi dans un contexte de voyage. De tourisme, bien sûr. De tourisme. C'est différent d'y habiter. Mais je pense vraiment qu'il y a une atmosphère qui est unique et qui est... meilleur que ici en Occident, je pense. Que dire si ce n'est que c'est vrai. Bah voilà, c'est vrai. Du coup, on peut se quitter là, non? Moi, j'ai envie de vous faire voyager un petit peu de manière sensorielle, très rapidement. Tu vas faire de l'ASMR là? Bonjour à tous. Ah, je déteste. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un podcast. Non, mais ce qui est assez dingue, c'est peut-être les nuits japonaises. Moi, j'ai un souvenir des nuits japonaises où tu vagabondes de manière assez aléatoire, parce que forcément, tu erres dans une ville inconnue, dans une culture inconnue, tu ne comprends pas ce qui se passe, tu ne comprends pas ce que les gens disent, tu ne sais pas lire les panneaux. Et puis, tu es comme ça, ensorcelé, tu es happé par toutes ces sonorités inconnues, par toutes ces odeurs alléchantes qui flottent dans l'air, t'es là, tu regardes, tout défile si vite, et c'est hypnotisant en fait, parce que t'as énormément de panneaux, de néons, et toutes ces choses font que t'es presque dans une illusion où t'as tellement de lumière qui imprime ta rétine que parfois tu peux peut-être être enivré et ressentir, moi en tout cas réellement j'ai senti parfois un vertige qui m'a pris de me dire waouh, c'est quand même incroyable cette ville, tout ce qui se passe, tout cet esthétisme, toute cette culture qui est totalement différent de la nôtre. Et quand tu prends de la hauteur, toutes ces lumières, tous ces néons deviennent les lucioles de la ville. Et tous ces bruits sourds ou tous ces bruits inconnus deviennent les bruits du monde, les bruits de l'âme de la ville. Et tu te sens vraiment totalement perdu. Et tu as une sorte de mélancolie assez euphorique qui prend possession de toi, où tu te sens tout et en même temps rien. C'est-à-dire que tu es dans une ville qui est une des plus grandes villes du monde et pourtant tu es tellement seul. Aussi, effectivement, parce qu'on est des touristes qui ne comprenons rien à ce qui se passe. Mais tu comprends vraiment que le monde tourne sans toi et t'es admiratif de ça. C'est-à-dire que il y a une certaine un certain sentiment doux amer qui prend possession de toi et tu te dis franchement là c'est bête à dire mais la vie c'est cool, tu vois. C'est aussi apprécier une vue. Il faut avoir la chance de la vivre, mais c'est aussi apprécier une vue de Tokyo de nuit où t'es assis, où t'es juché sur une rambarde et tout simplement tu ressens vraiment le temps qui passe. Et moi, je me souviens vraiment d'un soir. Enfin, il y a eu 4 jours de pluie consécutifs. Et là, la pluie là-bas, il faudra aussi en reparler. Mais je me souviens d'un soir où la pluie a commencé à tomber. Et l'odeur du béton chaud est remontée d'en bas, en fait. Une sorte de béton humide. Et ça a vraiment créé une atmosphère étouffante et presque comme un cocon, en fait, de chaleur humide. Et quand t'es tout seul dans une ville que tu connais pas, ça crée vraiment un sentiment qui est unique. Et aujourd'hui encore je m'en souviens, tous les jours j'y pense à toutes ces choses que j'ai mangées, que j'ai senties, que j'ai vues, que j'ai apprises. Et le Japon m'a vraiment transporté, m'a transporté et m'a transformé. Pour ma part en tout cas, depuis que je suis allé au Japon, il y a vraiment eu un avant et un après Japon, vraiment. Et j'aimerais juste vraiment vous encourager à y aller. C'est des dépenses, c'est du temps, c'est de l'engagement, c'est beaucoup de choses. Mais en tout cas, ça vaut vraiment le coup. Même si vous appréciez pas forcément de prime abord la culture japonaise, give it a try. C'est-à-dire, essayez quand même. Le gars qui traduit. Google traduction, give it a try. Essayez quand même. Non mais voilà, allez-y, donnez une chance à cette ville. Même si ça ne vous plaît pas forcément, vous serez séduit, vraiment. Parce que c'est vraiment une des plus belles villes du monde et moi j'ai vraiment hâte d'y retourner. Voilà, j'ai beaucoup parlé donc je vais laisser le mot de la fin à Vincent. En tout cas moi je vous dis bye bye à la prochaine. Et prenez soin de vous, c'est le plus important. Merci beaucoup de nous avoir écouté déblatérer autant de belles choses autant que de conneries sur le Japon. En tout cas c'était un voyage excellent. C'était sympa le Japon, moi j'ai bien aimé. Prenez soin de vous et à la prochaine.